إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons inshallah les explications des Arba'in Nawawiyya et nous en étions donc aux explications des piliers de la foi de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc nous en étions au quatrième pilier de la foi qui est la foi aux messagers. Al-Iman bir-Rusul fatu'minu bir-Rusulillahi min awwalihim ila akhirihim man samma Allah wa man lam yusamma minhum tu'minu bihim jami'an. فَمَنْ جَحَدَ وَاحِدًا فَقَدْ جَحَدَ الْجَمِيعُ وَيَكُونُ كَافِرًا وَلَوْ آمَنَ بِبَعْضِهِمْ وَكَفَرَ بِبَعْضِهِمْ يَكُونُ كَافِرًا فَالَّذِي يُؤْمِنُ بِهِمْ وَيَكْفُرُ بِعِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَالْيَهُودِ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِهِمْ وَيُنْكِرُ رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَالنَّصَارَى فَهُوَ كَافِرٌ بِالْجَمِيعِ. Donc il dit le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala concernant le quatrième pilier de la foi. Il dit le Cheikh, eh bien la foi aux messagers, aux envoyés d'Allah, eh bien c'est que tu crois aux envoyés d'Allah de leur premier jusqu'au dernier. Ceux dont Allah Azza wa Jal les a mentionnés dans le Coran et ceux dont Allah Azza wa Jal ne les a pas mentionnés. Donc tu dois croire à tous les envoyés d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui ont été mentionnés par Allah Azza wa Jal et ceux qui n'ont pas été mentionnés par Allah Azza wa Jal dans le Coran. Donc on doit croire à tous ceux qui ont été envoyés par Allah Azza wa Jal. D'accord ? Sans distinction. On doit tous croire à tous les messagers qui ont été envoyés par Allah Azza wa Jal. Quiconque donc, eh bien, mécroit ne serait-ce à un envoyé d'Allah, eh bien, ceci implique qu'il mécroit à tous les envoyés d'Allah. Quiconque a mécru à un seul envoyé d'Allah, Azza wa Jal, eh bien, c'est comme si qu'il avait mécru à tous les envoyés d'Allah, Azza wa Jal. Suivi juste qu'il mécroit en un seul, hein, eh bien, il a mécru en tout. Les envoyés d'Allah Azza wa Jal. Et il devient donc un mécréant. Et s'il se met à croire à certains d'entre eux et mécroit à d'autres d'entre eux, donc celui qui renie un seul envoyé d'Allah, d'accord, un seul messager envoyé par Allah Azza wa Jal, eh bien c'est comme si qu'il a renié tous les envoyés d'Allah Azza wa Jal. Il devient donc un mécréant. Et celui qui a cru en certains envoyés d'Allah Azza wa Jal et a mécru en d'autres, il est également un mécréant. Celui qui croit, par exemple, aux envoyés d'Allah, c'est ce que dit le Cheikh Hafidhahullah, il dit, donc, فَالَّذِي يُؤْمِنُ بِهِمْ وَيَكْفُرُ بِعِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَالْيَهُودِ فَهُوَ كَافِرٌ. Quiconque donc croit aux envoyés d'Allah, et mécroit en Isa. En Isa en arabe, ça correspond à Jésus. Ce qu'ils appellent Jésus en arabe, c'est Isa. Donc ceux qui croient aux envoyés d'Allah, mais mécroient en Isa et en Muhammad. Alayhim as-salatu wassalam. Comme les juifs, parce que les juifs, donc, ils croient aux envoyés d'Allah, mais ils mécroient en Isa et ils mécroient en Muhammad. Donc celui qui croit aux envoyés d'Allah, mais mécroient en Isa et en Muhammad, comme les juifs, eh bien c'est un mécréant. Et celui qui croit aux envoyés d'Allah, et renie le message de Muhammad, du prophète, dernier prophète et envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui croit aux envoyés d'Allah, mais mécroit au message de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme les Nasara, comme les Nasara, les chrétiens, les catholiques, tout ça. Eh bien, فَهُوَ كَفْرْ بِالْجَمِيعَ. Eh bien, il aura mécru à tous les envoyés d'Allah. فَاللَّهُ لَا يَقْبَلُ الْإِيمَانَ بِالْبَعْضِ وَالْكُفْرِ بِالْبَعْضِ الْآخِرِ. Allah Azza wa Jal, Allah le Très-Haut, n'accepte pas la foi en certains envoyés et la mécréance en d'autres. D'accord ? هَذَا مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الرُّسُلِ. Cela, c'est vouloir faire des distinctions entre les envoyés. قَالَ تَعَالَى. Allah le Très-Haut a dit, إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Dans sourate An-Nisa, dans la traduction du sens des versets 150 à 151, Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens: ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent « nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres » et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. « Wa awwal al-mursaleen » نوح عليه الصلاة والسلام وأما الأنبياء فآدم نبي ومن جاء بعده من الأنبياء فبين آدم ونوح عليهما السلام أنبياء لكن أول الرسل نوح عليه السلام أرسله الله جل وعلا إلى قومه لما عبدوا الصالحين وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Donc le cheikh Salah Al-Fawzan hafidhahullah donc a dit, et donc le premier des envoyés par Allah, le premier des envoyés d'Allah est Nuh alayhi salat wa salam, ce qu'ils disent en français Noé. Donc lui, c'est le premier des envoyés d'Allah. Le premier des envoyés d'Allah. Tandis que les prophètes, eh bien, Adam est un prophète. Adam est le premier prophète. Et Nuh, alayhi salatu wassalam, est le premier prophète et envoyé d'Allah. Tandis que Adam n'était pas un envoyé d'Allah, il était un prophète. Ensuite, il dit, le cheikh Hafidhahullah, il dit, et donc Adam était un prophète, et ceux qui sont venus après Adam, parmi les prophètes, donc il y a eu d'autres prophètes entre Adam et Nuh. Et entre Adam et Nuh, alayhi salatu salam, il y a eu donc des prophètes. Mais le premier envoyé est Nuh, le premier messager d'Allah, Azza wa Jal, est Nuh. Allah Azza wa Jal l'a envoyé à son peuple lorsqu'ils se sont mis à adorer donc des vertueux. Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset 163 de Sourate An-Nisa: nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub, aux tribus, à Isa, à Ayyub. Yani, le verset que le cheikh a cité, donc il a mentionné la partie du verset où c'est le verset 163. Nous t'avons fait, de Sourate An-Nisa, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Donc, ensuite le cheikh Hafidhahullah, il dit: والإيمان بالرسل كلهم إيمان مجمل. Donc la croyance aux envoyés, à tous les envoyés, est une croyance qui est globale. Une croyance qui est globale. D'accord? Elle englobe tout. On doit croire à tous les envoyés d'Allah, le Très-Haut. Tous ceux que l'on connaît, dont Allah Azzawajal les a cités dans le Coran, et on doit croire à tous ceux qui n'ont pas été mentionnés dans le Coran, dont Allah Azzawajal les a pas cités dans le Coran, mais qui ont été envoyés par Allah le Très-Haut. Donc on doit y croire. Donc la foi au messager envoyé par Allah est une croyance donc qui est globale. وَالْإِيمَانُ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل tandis que la croyance que l'on doit avoir vis-à-vis du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, qu'on doit croire au prophète Mohammed qui est le dernier prophète et messager d'Allah, donc eh bien on doit avoir une foi qui est détaillée, une foi qui est détaillée, donc on doit croire en tout les envoyés d'Allah, ceci de façon globale, et tandis que la croyance au prophète Mohammed, qui est le dernier prophète et messager d'Allah, on doit avoir une foi qui est une croyance qui est une foi qui est détaillée. لِأَنَّهُ هُوَ نَبِيُّنَا وَرَسُولُنَا car il est notre prophète et il est notre envoyé. فَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ بِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ donc on croit au prophète et envoyé d'Allah qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes. On croit à tous les prophètes et envoyés d'Allah. D'accord? Ça, c'est une croyance globale. Et parmi ces prophètes et envoyés d'Allah, le dernier qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, concernant le prophète et envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on doit avoir une foi qui est détaillée, car il est notre prophète et il est notre envoyé. D'accord? Donc, on doit croire à tout ce qu'il est venu, surtout ce qu'il est venu avec. D'accord? Dans le détail. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis de son Seigneur est venu avec, eh bien, on doit y croire, d'accord? Dans le détail. Donc ça c'était pour la croyance au messager. Le cinquième pilier de la foi qui est al-iman bil yawm al-akhir, la foi au jour dernier, la foi au jour dernier. Wa huwa yawm al-qiyamah, c'est le jour de la résurrection. Yusamma al-yawm al-akhir li'annahu ba'da ad-dunya. Il est appelé le jour dernier car il est après la vie d'ici-bas. وَيُسَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِقِيَامِ النَّاسِ فِيهِ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Et il est nommé le jour dernier, donc il est nommé le jour dernier car il vient après ce bas monde. Et il est nommé le jour de la résurrection. Al-Qiyama, d'accord? Les Qiyam al-Nas, car les gens vont se lever de leur tombe. D'accord? Vont se lever de leur tombe. Les Qiyam al-Nas, fihi min quburihim li rabbil alamin. Ils vont donc se lever, d'accord? Pour Allah le Très-Haut. Ils vont donc se lever de leur tombe. Wa yusamma yawm al-Ba'th. لأن الناس يبعثون فيه من قبورهم. Et il est également appelé le jour de l'envoi, car les gens sont envoyés donc vers Allah, d'accord, de leur tombe. ويسمى النشور, c'est-à-dire le renvoi, c'est un synonyme, hein, le ba'th, le nushur, ce sont des synonymes. ويسمى النشور, c'est-à-dire le jour du renvoi. والنشور هو البعث, c'est-à-dire qu'ils sont, d'accord, renvoyés vers Allah Azza wa Jal. فله أسماء كثيرة مما يدل على عظمته. Et donc le jour de la résurrection, le jour dernier, a plusieurs dénominations qui prouvent donc son importance. والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بحصوله ووقوعه. La foi au jour dernier, c'est le fait de croire avec véracité que le jour dernier va arriver. Va arriver. Que cela va se dérouler. ثم الاستعداد له. Mais ce n'est pas juste le fait de croire que ça va arriver. D'accord ? C'est de croire que ça va arriver, que cela va se dérouler. Mais c'est également, donc avoir la foi au jour dernier, c'est également se préparer pour le jour dernier. فَلَا يَكْفِي أَن تُصَدَّقْ بِهِ وَتَجْزِمَا بِهِ بَلْ لَبُدَّ مِنَ الْاِسْتِعْدَادِ لَهُ. Donc il dit, le Cheikh Hafidhahullah, ce n'est pas suffisant que, eh bien, tu crois avec véracité que le jour dernier va arriver et va se dérouler, d'accord ? Juste comme ça, en se tenant sur cette croyance-là, sans s'y préparer. Non, il a dit, il est essentiel et il est obligatoire de s'y préparer. Il est essentiel et obligatoire de s'y préparer. D'accord ? La budda min al-istiadad lah. Wa taqdim al-a'mal as-saliha wa at-tawba min al-a'mal as-sayyi'a wa al-ikthar min al-hasanat. Fa anta تستعد لهذا اليوم لأنه يوم لا ريب فيه. Donc il dit, le Cheikh Hafidhahullah, donc la croyance au jour dernier, c'est de croire en la véracité que le jour dernier va arriver et va se dérouler et on se prépare à ce jour dernier. Cela est la croyance donc au jour dernier. Et il dit, le Cheikh, ce n'est pas suffisant juste d'y croire et de dire que effectivement c'est véridique. D'accord ? Et que tu t'en tiens à cela. Il dit, il est essentiel de s'y préparer et de présenter des œuvres pieuses, des bonnes œuvres, et de se repentir des mauvaises œuvres et faire énormément de bonnes œuvres afin d'avoir beaucoup de hasanat. D'accord ? فَأَنْتَ تَسْتَعِدُّ لِهَذَا الْيَوْمِ. Donc toi, tu te prépares pour ce jour. Tu te prépares pour ce jour dernier. لِأَنَّهُ يَوْمٌ لَا رَيْبَ فِيهِ. Car c'était un jour où il n'y a aucun doute dessus. Le jour de la résurrection va arriver, il n'y a aucun doute dessus. Donc ensuite il dit, le cheikh, قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي دُعَائِهِ. Donc Ibrahim عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ a dit, et ça c'est dans Sourate Shu'ara, et les versets 87 à 89, dans la traduction du sens. Les versets 87 à 89, je vais la dire tout à l'heure, la traduction du sens. Donc il dit, le Cheikh Hafidhahullah, il dit, قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Donc il dit, il rapporte donc ce que Allah Azzawajal a dit dans Sourate Shu'ara, versets 87 à 89. « Et ne me couvre pas d'ignominie, ce que Ibrahim a.s. invoque Allah Azzawajal en demandant, « Et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité, et en y renvoyé, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour dernier, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » D'accord ? فَهُوَ يَوْمٌ عَظِيمٌ. C'est donc un jour important. C'est donc un jour important. Ensuite, il mentionne un autre sourate, Abasa. والله عز وجل دي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Des versets 34 à les versets 34 à 37, la traduction du sens des versets 34 à 37 de sourate Abasa. le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Et dans ce jour, donc ensuite le Cheikh mentionne un autre verset, là de Surat Al-Ma'arij. والله عز وجل دي يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا فلا ينجيه من هذا إلا العمل الصالح وترك العمل السيء. Donc ensuite, le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, donc, mentionne donc la parole d'Allah Azza wa Jal de Surat Al-Ma'arij, des versets 11 au verset 14. Bien qu'ils se voient l'un l'autre. D'accord ? Le verset d'avant, c'est, dans la traduction du sens des versets, où nul ami dévoué ne s'enquerra d'un ami. Bien qu'ils se voient l'un l'autre, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile. Et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver, mais rien ne le sauvera. Vous voyez, ça c'est le jour dernier, le jour de la résurrection. C'est-à-dire que l'individu serait capable de vouloir, se racheter du châtiment en livrant ses enfants, ses propres enfants, sa compagne, son frère, celui qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout ce qui pourrait le sauver. Mais rien ne le sauvera. C'est pour ça que le Cheikh Hafidhahullah dit « Rien ne le sauvera excepté les œuvres pieuses et le délaissement des mauvaises œuvres. » Donc vous voyez la spiritualité qu'il y a dans cela. D'accord ? Et ça, c'est une réponse à ce dégel de Hassan Iqusen qui parle comme ça, sans science, en disant que ceux qui invitent au tawhid, eh bien, ce sont juste des gens qui sont dans la technique et qui sont uniquement dans l'horizontalité et qui sont dans la verticalité, ils n'ont pas l'horizontalité. Yani, ou l'inverse. Parce qu'il veut dire que la verticalité, ok, ce sont les... Yani, l'horizontalité, ce sont les... Yani, ok, tu pries, tu jeûnes, tu as la sunna en apparence... tu étudies et tout cela, mais ça ne te sert à rien si, eh bien, tu as un mauvais comportement avec ton voisin et il essayait d'utiliser un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il ne le comprenait même pas, ou bien il essayait de détourner la vérité de ce qui était mentionné dans le hadith en mentionnant qu'il y avait une femme pieuse, eh bien, qui était pieuse entre guillemets, comme il dit, et puis elle priait la nuit, elle faisait du qiyam al-lil, elle jeûnait, et puis lorsqu'elle est morte, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit sur cette femme-là, parce que lorsqu'il s'était renseigné concernant les voisins ont dit, eh bien, elle avait un mauvais comportement avec son voisin, etc., et le prophète aurait dit qu'elle serait en enfer, d'accord ? Et ensuite, il mentionne, eh bien, une femme, regardez comment il ment aux gens, il dit une femme qui n'était pas trop pratiquante. Voyez que les choubouhats qu'il met dans la tête des gens, subhanallah. Qu'est-ce qu'il veut dire par pas trop pratiquante? Donc n'importe quelle femme qui entend ça, elle va se dire, regardez, oui, elle n'était pas trop pratiquante, mais elle faisait le bien, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé concernant elle, et donc elle, les gens, eh bien, lui disaient que des bonnes choses sur elle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait dit qu'elle était au paradis. Et donc il en conclut ce dajjal de menteur de Hassan Iqusen, cet égareur égaré, dont Allah Azza wa Jal l'a égaré sur l'ignorance qu'a ce Hassan et Hussein, sur son ignorance et sa haine de la sunna et des savants de la sunna, eh bien, il s'est mis à dire, eh bien, vous voyez, donc oui, ceux-là, là, qui invitent au tawhid, etc., il y a beaucoup, style, les règles, ça, et il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de vivre ensemble. Donc il veut dire, c'est pas grave, même si tu pratiques pas trop, l'essentiel, c'est que tu sois gentil. Mais moi, je te ramène des tonnes de kofars qui sont beaucoup plus gentils que certains musulmans. Mais est-ce que cela est une preuve qu'ils sont sur le haq? Parce que ce qu'il a oublié de mentionner, ou ce qu'il a délibérément omis de mentionner, ou peut-être qu'il n'avait même pas la science sur cela, Allahu a'lam, c'est que ce Dajjal, en disant aux gens que, eh bien, celle qui priait, qui faisait le Qiyam al-Lil, etc., qui était très pieuse en apparence, d'accord, mais qui avait un mauvais comportement avec son voisin, eh bien que le prophète aurait dit qu'elle serait en enfer, et même si Allah Azza wa Jal décide qu'elle est une période de temps en enfer, c'est périodique. Car l'interdiction du paradis est de deux sortes. Il y a une interdiction qui est éternelle et une interdiction qui est périodique. Tahrim ou amadi wa tahrim ou abadi. Tahrim ou amadi wa tahrim ou abadi. Tahrim ou amadi, ça veut dire, c'est un tahrim pendant une mudda, un temps. Un temps que seul Allah Azza wa Jal sait. La personne est interdite de paradis pendant une période de temps que seul Allah Azza wa Jal sait. Mais tahrim ou abadi, l'interdiction du paradis, qui est éternelle, cela concerne que les kofars. Donc c'est-à-dire que même si un musulman se fait châtier en enfer, sa destinée finale sera le paradis. Tandis que si la personne est refusée de pratiquer, est refusée d'adorer Allah Azza wa Jal, est refusée de prier, et parce que je suis gentil, je vole pas, je suis gentil. Subhanallah, tu refuses d'adorer Allah Azza wa Jal et tu meurs sans faire tes salettes, sans adorer Allah ou en associant à Allah Azza wa Jal quoi que ce soit, eh bien même si tu as été gentil toute ta vie, en apparence, eh bien cela ne te sera bénéfique en rien si tu meurs sur la mécréance et la destination sera l'enfer pour l'éternité. Le kafir ne rentrera pas au paradis. Vous voyez comment, hein, ils essaient de jouer sur des équivoques, en effaçant des choses ou en essayant de transmettre à des gens ce que les gens aimeraient entendre. D'accord ? Pas trop pratiquant, oui, vivre ensemble. De quoi il parle de vivre ensemble ? Alors que lui-même, dans ses vidéos, il dit que Sayyid Qutb est une pointure. Est une pointure ! Il est émerveillé par Sayyid Qutb. Alors que Sayyid Qutb, à son livre qu'il a écrit en prison, dans lequel il a écrit qu'il faut déposer des bombes dans les cabarets et les cafés. Subhanallah. Et il dit que Sayyid Qutb, c'est une pointure, ce Hassan et Hussein. Et ensuite, vous voyez, le double discours, oui, vivre ensemble. Ça, c'est pour plaire au préfet, à la mairie, pour que comme ça, il les laisse tranquilles. Et eux, ils sont en train d'engrainer les gens, en train de dire, oui, là, les frères musulmans, oh là là, les gens, ils sont contre la secte des frères musulmans. Et lui, il défend la secte des frères musulmans et c'est un ikhwan. Donc, n'écoutez pas ce Dajjal, cet égaré qui égare les gens et qui parle sans science sur Allah Azza wa Jal. Il ne craint même pas Allah Azza wa Jal, cet individu-là. Il n'a aucune pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal en mentant sur la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc on ferme la parenthèse, Inch'Allah, Barakallahu Fikum. C'est pour ça qu'il ne faut pas être influencé. Vous voyez ce qu'on voit les Usul Sittah les samedis là. Les gens qui écoutent ce genre d'égaré, égareur, qui sont influencés par l'éloquence qu'il a. Il parle bien, il dit bien, il explique. Subhanallah. Yani, il ne sait de te dire que ce que tu aimes entendre, il va essayer de te le dire. Subhanallah. Ces individus-là ne sont pas sur la sunna. Et entre eux et la sunna, c'est comme l'Est et l'Ouest. Qu'Allah les guide. Qu'Allah les guide, car on souhaite à toute créature le bien. Le fait qu'Allah Azza wa Jal, il les guide. On souhaite que yani, les mécréants soient guidés par Allah Azza wa Jal et qu'ils rentrent au paradis. Ça, on le souhaite. Même le kafir, il nous est autorisé à invoquer Allah Azza wa Jal en faveur du kafir uniquement pour qu'il soit guidé. Uniquement pour la guider. D'accord ? Pour qu'Allah Azza wa Jal le guide. Mais si Allah Azza wa Jal ne le guide pas, qu'il lui tranche la langue et lui brise son dos. Amin. Donc on ferme la parenthèse, Inch'Allah. Donc, Barakallahu Fikum, Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah? هذا هو المقصود بالإيمان باليوم الآخر. C'est ce qui est voulu avec la foi au jour dernier. فمن قال إنه ليس هناك بعث وإنما هي الحياة الدنيا فقط فهذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا شك في كفر من أنكر البعث والنشور ولهذا قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ensuite, il dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, il dit voilà ce qui est voulu donc par la croyance au jour dernier. D'accord ? Voilà ce qui est voulu par la croyance au jour dernier. C'est croire avec véracité que le jour dernier va arriver, va se dérouler et que l'on se prépare pour ce jour dernier-là. En faisant les bonnes œuvres, en se repentant de nos mauvaises actions, d'accord ? Et en faisant le plus de bonnes œuvres, selon la sunna, en espérant recevoir d'Allah Azzawajal des hasanet pour les œuvres que l'on fait sincères pour Allah le Très-Haut. Donc voilà tout ce qui est voulu par la foi au jour dernier. Donc quiconque dit qu'il n'y a pas de retour vers Allah, mais c'est juste la vie d'ici-bas, uniquement. Celui qui tient ce propos-là, eh bien c'est un mécréant. Car il a démenti ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, ce que son envoyé Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, et il a démenti également le consensus des musulmans. D'accord ? Et ce qui est connu pour faire partie des, yani, des choses nécessaires de la religion. Donc il n'y a aucun doute de la mécréance de celui qui renie le jour dernier. Quiconque renie le renvoi vers Allah Azza wa Jal, le retour vers Allah Azza wa Jal, qui renie le jour dernier, le jour de la résurrection. Donc c'est un mécréant. C'est pour cela qu'Allah, le Très-Haut, a dit dans Surat al-Taghabun, dans la traduction du sens du verset 7, ceux qui ont mécru, prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dit, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscité, puis vous serez certes informé de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. فَاللَّهُ أَمَرَ رَسُولَهُ أَنْ يُقْسِمَ بِرَبِّهِ أَنَّهُ سَيَبْعَثُ عِبَادَهُ وَقَوْلُهُ زَعْمَ الزَّعْمُ هُوَ الْكَذِبُ يعني كَذَبُوا فِي قَوْلِهِمْ هَذَا. Donc il dit, le cheikh Hafidhahullah, il dit, donc après avoir mentionné la parole d'Allah le Très-Haut, il dit donc Allah le Très-Haut a ordonné à son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de jurer par Allah, de jurer par son Seigneur, donc qui est Allah, que, eh bien, les gens seront ressuscités. Qu'Allah le Très-Haut, eh bien, va ressusciter tous ses serviteurs. Et la parole za'ama, ils prétendent, za'amu, la prétention, c'est le mensonge. Il prétend quelque chose, yani, il mente. C'est-à-dire, ils mentent dans leur parole, dans cette parole-là. Le fait qu'ils disent qu'ils ne seront pas ressuscités. Et Allah le Très-Haut a dit, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Dans Sourate Al-An'am, donc dans Sourate Al-An'am, verset 29, dans la traduction du sens du verset, et ils disent, il n'y a pour nous d'autre vie que celle d'ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. Ça, c'est le kuffar qui dit ça. D'accord ? Wa qala, et Allah le Très-Haut a dit, وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. Et Allah le Très-Haut a dit ce que les mécréants yani, prétendent et disent dans Sourate Al-Jathiya. Donc dans Sourate Al-Jathiya, verset 24. Verset 24. Et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourrons et nous vivons et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance et ils ne font qu'émettre des conjectures. Waqala, et Allah le Très-Haut a dit, toujours dans Sourate Al-Jathiya, le verset le verset que je viens de vous citer là, dans la traduction du sens, c'est en fait le verset qui suivait. Donc c'est le verset que le cheikh a mentionné, وَقَالُوا إِنْ هَيَّ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Donc c'est le verset 29, traduction du sens du verset 29 de Sourate Al-Jathiya. D'accord ? Pardon, je vous dis de Sourate Al-Jathiya, subhanallah. C'est de Sourate Al-An'am. Al-Jathiya, c'est le verset 24. وَقَالَ أيعدكم أنكم إذا متم pardon وقالوا هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. Dans Sourate Al-Mu'minun, les versets donc 37 à 35, dans la traduction donc du sens des versets, donc j'ai dit 35 à 37, vous promet-il quand vous serez mort et devenu poussière et ossement que vous serez sortis de vos sépulcres ? Loin, loin ce qu'on vous promet. Ce n'est là que notre vie présente, nous mourrons et nous vivons et nous ne serons jamais ressuscités. Vous voyez ? Ça, c'est la parole des kuffars, ce qu'ils prétendent. D'accord ? Eux, ils prétendent, yani ils n'arrivent pas à accepter le fait que, vous voyez, vous promet-il quand vous serez mort et devenu poussière et ossement que vous serez sortis de vos sépulcres ? Loin, loin ce qu'on vous promet, ce n'est là que notre vie présente, nous mourrons et nous vivons et nous ne serons jamais ressuscités. هكذا مقالات الكفار قديما وحديثا. Cela est la parole des mécréants, yani des mécréants antérieurs et contemporains. ينكرون البعث وليس لهم حجة. إلا أنهم يقولون كيف إذا مات الناس وصاروا ترابا أنهم يبعثون. Donc il dit le Cheikh Hafidhullah, ça, vous voyez les versets qu'on a mentionnés là, ce que les kuffars prétendent, eh bien ça, ce sont les paroles des mécréants antérieurement et contemporainement. Ils renient le retour vers Allah, ils renient le jour de la résurrection et ils n'ont aucune preuve pour appuyer le fait qu'ils renient cela. Excepté qu'ils disent, alors comment est-ce possible que lorsque les gens meurent et qu'ils deviennent de la poussière, qu'ils puissent être résurrectés par Allah, ressuscités par Allah Azza wa Jal. فهذا مستحيل. Ça c'est ce qu'ils disent. Ils disent ce n'est pas possible que quelqu'un qui est de la poussière et qu'Allah Azza wa Jalla le recrée. Allah le Très-Haut a dit: قال من يحيي العظام وهي رميم. Allah le Très-Haut a dit dans Sourate Yassin, qui est le verset 78 de Sourate Yassin. « Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création, il dit « Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?» Subhanallah. هم من قبل كانوا غير موجودين أصلا ثم خلقهم الله جل وعلا فالذي خلقهم في البداية قادر من باب أولى على إعادتهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Sourate Yassine, donc ensuite il rapporte le verset, le Cheikh Salah Al-Fawzan, Havidallah, il dit donc, le Cheikh Havidallah, il dit, donc les kuffars, les mécréants, que ce soit ceux d'avant ou ceux contemporains, eh bien ils ont tous la même parole qui est sur le fait qu'ils renient le jour de la résurrection et ils disent que ce n'est pas possible que quelqu'un qui devient poussière, eh bien, Allah Azza wa Jal va le recréer. Pour eux, c'est impossible. Subhanallah. Eux, depuis... Yani, pourtant, subhanallah, ce qu'ils ne méditent pas, ces mécréants, c'est que avant qu'ils deviennent ce qu'ils sont maintenant, eh bien, ils n'existaient pas avant. Avant, ils n'existaient pas du tout. Puis Allah Azza wa Jal les a créés. Donc ils n'étaient rien, ces gens-là, ils n'existaient pas, et Allah Azza wa Jal les a créés. Donc celui qui les a créés au début, eh bien, peut les recréer, subhanallah. Yani, il peut les recréer, puisqu'à partir de rien, il les a créés, puis ils sont devenus maintenant comme ça, et puis ils deviennent des arrogants, et ils se mettent à renier, subhanallah, le fait que, qu'à partir de rien, Allah Azza wa Jal les recréera. Donc déjà, eux, avant, ils n'existaient pas. Puis Allah Azza wa Jal les a créés. Puis ils vont mourir, ils vont devenir de la poussière, et Allah Azza wa Jal les recréera. Pour le jour de la résurrection. Pour le jugement, le jour du jugement. Et chacun sera rétribué en fonction de ses œuvres. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. Donc ensuite il cite le verset de sourate Yassine, d'accord, que sont les versets 78 à 79 dans la traduction du sens des versets. Il cite pour nous un exemple tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit donc, qui c'est qui oublie sa propre création? Là c'est le mécréant qui va dire: qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Subhanallah, lui il oublie que déjà avant, il n'existait pas. Et Allah Azza wa Jal l'a créé. Qui va redonner, et il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit. Donc Allah Azza wa Jal ordonne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, dit, celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie, il se connaît parfaitement à toute création. Il se connaît parfaitement à toute création. Et si vous continuez, si vous continuez, yani la suite des versets de sourate Yassine dans la traduction du sens des versets, c'est lui qui de l'arbre vert a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si, et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et c'est vers lui, c'est vers Allah, que vous serez ramenés. C'est comme ça que se termine sourate Yassine, subhanallah. On en est à combien de temps là? Inch'Allah, 45 minutes. Donc ensuite... Il dit le Cheikh Hafidhahullah, il dit fal Qur'an mamlu'un birradd 'ala munkir al-ba'th. Le Coran est rempli de réfutation de ceux qui renient le jour dernier, le retour vers Allah. C'est rempli de réfutation de ceux qui renient le retour vers Allah. ce qui renie le jour de la résurrection, le jour du jugement. وأيضا أيهما أعظم خلق السماوات والأرض أم خلق الإنسان لا شك أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فالذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان من باب أولى. Donc il dit ensuite le cheikh Hafidhahullah. Il dit donc que le Coran donc est rempli de réfutations contre ceux qui renient le jour de la résurrection, qui renient le retour vers Allah. Il dit ensuite le cheikh Hafidhahullah, il dit et également, qu'est-ce qui est beaucoup plus important ? La création des cieux et de la terre ou bien la création de l'humain? Il n'y a aucun doute que la création des cieux et de la terre est beaucoup plus importante que la création de l'humain. Allah le Très-Haut a dit, donc, et ça c'est le verset qui est dans Sourate Ghafir. Le verset donc qui est dans Sourate Ghafir et c'est le verset numéro 57. Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset, la création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc ensuite le Cheikh Salah al-Fawzan Hafidhahullah dit, donc celui donc qui peut créer les cieux et la terre, peut créer donc l'humain. Il a pu créer les cieux et la terre, il peut créer l'humain. Mais également, ثم أيضا, Allah جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها. تكون الأرض قاحلة جرداء ليس فيها شيء. فإذا نزل عليها المطر فإنها تتحرك بالنبات. فهذا الحب الميت والبذر الميت المتفرق في الأرض يحيا وينبت ويكون نباتا وأشجارا مثمرة وزروعا ونخيلا وأعنابا وأنواعا من النباتات وهي كانت في الأول ميتا أليس الذي يحيى الأرض بعد موتها قادرا على أن يحيي الإنسان بعد موته. Donc il dit, le cheikh ensuite, Hafidhahullah, il dit, donc celui qui peut créer, le seul créateur, c'est Allah Azzawajal. Étant donné qu'il peut créer les cieux et la terre, eh bien il peut créer l'humain. Et également, Allah le Très-Haut donne la vie à la terre après qu'elle soit morte. Vous savez la terre morte? Eh bien Allah Azzawajal lui donne la vie après qu'elle a été morte, cette terre-là. Donc, la terre qui était morte, qui était sèche, etc., eh bien Allah Azza wa Jal lui donne la vie en envoyant donc des pluies qui vont donc rentrer dans cette terre, dans les nappes phréatiques, et il va y avoir donc des plantes qui vont pousser, de l'herbe qui va pousser, d'accord ? Même la graine, yani les graines qui sont dispersées ici et là, sur terre, eh bien Allah Azza wa Jal lui donne vie et il se met à avoir donc de la plantation. Il se met à avoir de la plantation. Il se met à avoir donc de la plantation, des arbres. Qui se mettent à avoir des feuilles, des palmiers, des raisins. Il y a différents types, différentes catégories donc de plantes. Vous voyez, à partir d'une terre morte, eh bien Allah Azza wa Jalla lui donne la vie. À partir d'une terre morte. Quelqu'un qui dit elle est morte, ça y est, eh bien Allah Azza wa Jalla lui donne la vie. Allah Azza wa Jalla lui donne la vie en lui envoyant donc de la pluie. Et il se met à avoir, donc cette terre morte se met à avoir donc de la plantation, des différents types d'arbres, des différents types de fleurs, d'accord ? Alors qu'elle était au début morte. Donc celui qui a donné la vie à la terre, après qu'elle était morte, eh bien, peut également donner la vie à l'humain après sa mort. فهذا واقع يشاهده الناس أن الأرض الميتة اليابسة الهامدة الخاشعة إذا أنزل الله عليها الماء أخضرت وازدهرت بالنبات كما قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. D'accord. Donc c'est ce que explique le Cheikh Hafidhahullah. Il dit, voyez une terre morte qui était dure, qui était sèche, yani qui était morte, qui n'avait pas de plantation, qui n'avait rien. Eh bien Allah Azza wa Jal lui envoie de la pluie, de l'eau et elle se met à revivre, à avoir de la plantation, à avoir des différents types de fleurs, de plantes, d'arbres. D'accord ? Eh bien, c'est bien à partir, vous voyez, à partir d'une terre morte, Allah Azza wa Jal lui redonne la vie et elle devient vivante. Eh bien, l'humain, lorsqu'il meurt, Allah Azza wa Jal, eh bien, le recréera. Allah Azza wa Jal le recréera, d'accord ? Il lui redonnera la vie après la mort. Pour le jour de la résurrection et pour yani, soit sa destinée au paradis, soit sa destinée en enfer. Donc c'est dans Sourate Al-Hajj. Dans Sourate Al-Hajj, des versets donc 5 à 7. Où Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens des versets, ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre. Le nous, barakallahu fi, comme lorsque vous lisez le verset, c'est pas un nous de pluriel, mais c'est un nous de majesté. Allah Azza wa Jal est unique, c'est le seul créateur, le seul qui mérite en toute vérité l'adoration, car c'est le seul créateur. Donc c'est le mérite n'en revient qu'à Allah. Le mérite de l'adoration, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui doit l'avoir. On ne doit vouer l'adoration qu'Allah Azza wa Jal seul. Donc Allah Azza wa Jal, il est unique. Il n'y a que lui seul qui fait ce qu'il veut. Donc là, c'est un nous de majesté et ce n'est pas un nous de pluriel. Donc dans la traduction du sens des versets 5 à 7 de Sourate Al-Hajj, ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. Et c'est cette partie-là que le cheikh Salah Fawzan a mentionné. De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité. Et c'est lui qui rend la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. On va s'arrêter, inshallah, ici, sur ce verset 7 de Sourate Al-Hajj, et on continuera la semaine prochaine, inshallah, donc, il n'y aura pas cours sur les explications des 40 Nawawiyya, mais la semaine prochaine, inshallah, le dimanche, après Salat Al-Isha, donc je ferai, Inch'Allah, une conférence dans la ville de Cambrai. D'accord ? À la mosquée An-Nour. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.